Kim Sun-kyung, chef du département 2 d'Europe du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, a rencontré le 1er juin au siège du Parlement finlandais l'administrateur général de l'Institut de paix européen Pekka Haavisto, parlementaire finlandais. Le délégué coréen a informé son interlocuteur de l'attitude de notre République envers les rapports bilatéraux et souligné que le problème primordial pour détendre la situation dans la péninsule coréenne, c'est la mise en terme de la politique d'hostilité et de la menace militaire américaine envers la Corée. Le chef de l'Institut de paix européen a indiqué qu'il cherche le moyen susceptible d'atténuer la tension dans la péninsule coréenne et de contribuer au climat de dialogue. Il a ajouté de s'efforcer pour la promotion des échanges et collaborations entre son institut et l'association Corée-Europe et le développement des rapports entre les pays européens et la Corée, notamment son pays.